bleu ou parfois voilé de 6 à 17 degrés et un vendredi avec brouillard puis nuages et au mieux 16 degrés et des nuages et du soleil samedi avant un très beau dimanche et un week-end pas plus de 11 degrés pour les températures. Le mouvement commencé sur les réseaux sociaux a pris de l'ampleur au fil des semaines et c'est la journée du samedi 17 novembre qui a été choisie pour la mobilisation des gilets jaunes contre la hausse du prix du carburant. Des blocages et des barrages filtrants auront lieu partout en France et donc en Normandie. Une carte recense tous les points annoncés sur le site journéeblocage17novembre.com. Concernant la capitale normande, un groupe Facebook intitulé Blocage National Rouen a été créé. Il compte plus de 3000 membres. En lisant les commentaires, rien ne filtre sur les points de blocage pour empêcher la de préparer leurs interventions. Les rumeurs parlent du rond-point des Vaches, du pont Mathilde et du pont Flaubert, mais rien n'est confirmé. La mobilisation pourrait commencer dès 6h, mais plus de détails seront connus vendredi soir. À Vernon, les accès à l'autoroute A13 ou les entrées et les sorties de la ville sont évoqués. Enfin, à Évreux, des blocages sont également prévus. Ce lundi, le comité de direction de la Ligue de football de Normandie a annoncé qu'elle allait reporter l'ensemble des matchs de football de niveau régional qui auront lieu samedi 17 novembre en Normandie en cause des risques donc de blocage des routes concernant la hausse du prix du carburant. Cette décision semble être la plus juste. À Anthony Cordoba, agent de développement de la LFN, de confirmer, il s'agit uniquement des compétitions de niveau régional. Tout ce qui est départemental, c'est chaque district qui décide. Pour le moment, la date de report n'est pas connue et quid de la Coupe de France qui a lieu ce week-end. Pour la Coupe de France, c'est la Fédération Française de Football qui va décider. A priori, elle se laisse deux possibilités. Soit les matchs vont se jouer, soit elle envisage de déclarer les matchs du samedi au dimanche. Plus d'infos à venir dans la semaine. Les importants épisodes de crue de la Seine qui ont frappé la Seine-Maritime et l'Eure en 2018 ont laissé des traces. Plusieurs communes et leurs habitants ont payé un lourd tribut, c'est ce que soulignait le secrétaire général de la préfecture de Seine-Maritime, Yvan Cordier. Face à ces incidents climatiques, la gestion du fleuve est remise en question. Elle constitue en effet un véritable casse-tête. Un comité de pilotage comprenant les départements de Seine-Maritime et de l'Eure, ainsi que la préfecture de Seine-Maritime, a été mis en place ce lundi pour diriger une étude afin de sortir du millefeuille administratif actuel. Son but, préparer la mise en place d'une structure ayant une gestion globale de tout l'axe Seine-Aval-Normand et de le faire vite. Aujourd'hui, 10 établissements publics de coopération intercommunale installés en bord de Seine se partagent la gestion des milieux naturels et prévention des inondations. Ils sont prêts à travailler ensemble avec les syndicats de bassin et les établissements publics de l'État comme Voies navigables de France ou les grands ports de Rouen et du Havre à l'instauration d'une nouvelle gouvernance au prix hypothétique pour l'instant de l'abandon de certaines compétences au profit de ce nouvel organisme. Il faut prendre les devants parce qu'on sait qu'on aura de plus en plus de périodes de fortes pluies et d'inondations. C'est ce que souligne le vice-président du département de l'Eure en charge des politiques de l'eau, Gérard Chéron. L'arrivée de cette structure s'accompagnera certainement d'investissements pour améliorer l'endiguement du fleuve et prévenir les risques, mais la GEMAPI s'étend bien au-delà du champ de la prévention des incidents naturels. La structure adoptée devra répondre à des enjeux considérables, c'est ce que déclare encore le président du département des Seine-Maritime, Pascal Martin. Ils sont industriels, économiques, touristiques, avec notamment le développement du tourisme fluvial, mais concerne aussi la mobilité ou la conservation des espaces naturels sensibles, c'est ce qu'il déclare. Ce n'est pas la première fois que le département lance une étude sur la gouvernance du fleuve. En 2013, une procédure similaire avait été lancée, elle aussi financée par l'agence de l'eau, sans grand succès. Aujourd'hui, les élus l'assurent, les conditions sont plus favorables. Les différentes lois arrivées récemment nous obligent à rapporter des réponses rapides sur ces questions avant le 1er janvier 2020, c'est ce qu'explique encore Pascal Martin. Pour mutualiser les compétences des EPCI et accorder des aspects institutionnels, juridiques et budgétaires, le calendrier sera très serré. Les cabinets Sepia Conseil et Calia Conseil, en charge de l'étude, devront rendre leur diagnostic en janvier 2019. Une phase de co-construction sera ensuite mise en place à travers des ateliers entre les différents acteurs concernés jusqu'au mois de juin. Les élus délibéreront après à partir de l'été. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Tout de suite, c'est le retour de la musique. Passez une excellente fin de nuit et une très belle journée à l'écoute de Cristal. I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become, in the cold light of day we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back.

Si le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Et si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire. C'est qu'il est sûrement sur une île avec un palmier dans sa bière. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Si la voisine crie très fort, c'est qu'elle a pas bien entendu. Si elle a du bleu sur le corps, c'est qu'elle a joué dans la peinture. Et si un jour elle a disparu, c'est qu'elle est partie en lune de miel. En attendant les jours de pluie, elle met ses lunettes de soleil. Tout va bien. Tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Si les hommes se tirent dessus, c'est qu'il y a des vaccins dans les balles. Et si les bâtiments explosent, c'est pour fabriquer des étoiles. Et si un jour ils ont disparu, c'est qu'ils s'amusaient tellement bien. Ils sont partis loin faire une ronde, tous entrés, main dans la main. Tout va bien. Tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Da, da. Mardi 13 novembre, j'espère que vous allez bien et que le réveil est pas trop galère hein, ce matin. 6h, c'est tôt, c'est vrai, mais certains d'entre vous bossent depuis quelques heures hein, déjà dans les boulangeries par exemple. J'en profite pour faire un petit coucou au Columbus d'Evreux d'ailleurs qui nous écoute tous les jours du matin au soir. Bah, c'est sympa, vous avez du courage. Merci d'être là ce matin sur Cristal. Bon courage hein, sur les routes et pour ce début de journée. Il est bientôt 6h, très bon réveil les amis. Dans un instant, l'actu en Normandie et votre météo. Mais d'abord, c'est l'horoscope d'Alexandra. Salut Alex. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 13 novembre. L'horoscope des béliers, vous serez du changeante, mais votre énergie va revenir plutôt rapidement. Taureau, d'excellents moments seront partagés avec vos proches. La fidélité en amitié, ça existe. Gémeaux, vous êtes pudique quand il s'agit de révéler vos sentiments et vous avez tendance à vous protéger. Cancer, peu de changements à prévoir concernant votre vie sentimentale. La routine s'est installée et au fond, elle vous rassure. Lion, place aux remises en question. Il est possible que vous voyez les bons côtés du célibat. Vierge, on sollicite votre présence pour régler des conflits car on connaît votre sens de la médiation. Balance, vous ne pouvez compter que sur vous. La journée peut s'achever avec un sentiment d'insatisfaction. Scorpion, le quotidien vous pèse. Vous aimeriez un peu plus de fantaisie dans votre vie amoureuse. Sagittaire, à la maison, la lune semble vouloir instaurer la zizanie entre vous deux et il y a de fortes chances qu'elle y parvienne. Capricorne, une belle harmonie relationnelle égayera votre couple en solo. Vous pourriez éprouver une passion soudaine. Verseau, votre énergie et votre détermination provoqueront l'admiration de votre entourage. Les poissons sans méchanceté mais avec une franchise brutale, vous signifierez à vos proches qu'ils se mêlent de ce qui les regarde. Excellente journée à tous. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. Exalted. I'd rather be, yeah.